Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. On va parler de hockey, on va parler de la Légion majeure du Québec avec notre ami Yves Bolduc. Salut Yves. Salut Danny. Yves, avant de parler de la finale, on va parler de ce qui est intéressant, évidemment, pour nous au Saint-Laurent-Saint-Jean, c'est Yannick Jean qui a signé une nouvelle entente de 3 ans. C'est pas vraiment une surprise, surtout avec le travail qu'il fait. Moi, je l'ai dit, si les Canadiens, ça va être plate dans les prochaines années, je pense que ça s'annonce plate, en tout cas. Je veux dire, en fait, les Saguenayens, ça va être très intéressant, surtout avec la banque de choix repêchage qu'ils ont. Là, c'est fantastique, là. Oui, ben c'est une bonne nouvelle pour les amateurs des Saguenayens et pour l'organisation parce qu'on s'était donné un plan il y a un an et ce plan-là va pouvoir être suivi par les hommes de hockey qui sont en place avec les prolongations de contrats qui ont été accordées à Yannick Jean et Rénal Nepton et avec la banque de choix qu'ils ont accumulée là, au cours de la saison. Je pense qu'ils sont en très bonne position là, pour bâtir une équipe solide qui va offrir un spectacle intéressant aux partisans, là, peut-être même dès l'an prochain, mais assurément là, pour les prochaines années. Ah, regarde, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis bravo. Puis, ces choix au repêchage-là, ça va probablement se transformer en joueurs également au repêchage. Là. Donc, il y a sûrement quelques choix, effectivement, là, qui vont se transformer en joueurs dans des transactions, on pense entre autres à celle de Batters. Mais il n'y a rien qui va être dévoilé là, avant les assises de la Ligue junior majeure du Québec en juin. Mais c'est très certainement là, qu'il y aura des joueurs importants là, qui vont s'amener avec les Saguenay dans, en retour de ces choix-là. Okay. Yves, je veux te parler de Hendrix Lapierre que j'ai eu l'occasion d'interviewer hier. Je me donne comme mission, je ne sais pas si je vais réussir, de parler aux trois premiers choix qui devraient être normalement des choix logiques pour les Saguenay lorsqu'ils vont repêcher au premier tout premier. Et hier, j'ai parlé à Hendrix Lapierre. Il me semble une bonne tête sur les épaules. Hein? Ben, il semble que oui. Les informations qu'on obtient de lui, c'est un bonhomme qui est articulé, qui sait où il s'en va, qui vient d'une bonne famille. Sur la glace, ben, ce qu'il a démontré au cours de la saison, moi je l'ai vu à 3 occasions là, dans l'uniforme de l'Intrépide de Gatineau. C'est un bonhomme qui travaille des deux côtés de la patinoire. C'est un joueur qu'on dit qui joue sur 200 pieds. Là. Mais lui, c'est un joueur comme ça. Puis c'est un joueur qui peut être important là, dans un échiquier d'une équipe de juniors majeurs. Est-ce que ce sera les Saguenayens? Est-ce que ce sera le choix des Saguenayens? Ça, malheureusement, on ne le saura pas immédiatement. Tu penses-tu que ça va être le choix des Saguenayens? J'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais je te dirais que c'est sûr qu'il est listé numéro un, les Saguenayens sont numéro un, quels seront leurs choix, quelles seront leurs priorités, là, ça va être à déterminer. Tout change rapidement dans ce milieu-là. Danny, je sais que les Saguenayens travaillent très fort, là, j'ai les informations qu'ils ont rencontré plusieurs joueurs midget au cours des derniers jours. Il y a une importante rencontre des recruteurs demain, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là, d'ici aux 2 jours. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé à Batters, c'est 2-2 dans la série entre le l'Armada et le Titan de Cathy Batters. Et ça, écoute, l'Armada ne devait pas l'échapper, puis ils l'ont pas échappé. Là. Non, puis il faut jamais sous-estimer les équipes de Joël Bouchard, sauf que là, ce soir, ils sont dans une situation assez importante parce qu'ils se doivent de l'emporter au centre sportif d'excellence Rousseau, parce que sinon, ça va être très difficile de se présenter à Batters dimanche pour le 6e match. Moi, je t'en ai parlé en début de série. Je pense que le Titan d'Acadie Batters a une meilleure défensive que l'Armada. A certainement un meilleur gardien, en tout cas, même si celui de l'Armada le surprend depuis le début des séries éliminatoires. Alors, c'est un match qui est clé ce soir. On parle souvent des matchs impairs. Dans le cas de ce soir, le match 5 à Blainville-Beaubriand, là, c'est un match qui est important pour l'Armada. Est-ce que Joël Bouchard sera craqué son équipe assez pour qu'il sorte puis pas se faire surprendre par le Titan? Parce qu'on sous-estime Mario Pouliot dans cette série-là, là, mais il a quand même réussi à conduire sa formation en finale et puis il surprenne Ils surprennent par leur façon de jouer et ils sont aussi aussi bons sur la route qu'à l'étranger, donc qu'à la maison. Donc ce soir là, s'ils parvenaient à surprendre l'Armada chez eux, ils seraient en position très très très avantageuse pour eux là, de jouer le sixième match à Batters dimanche. Moi, je pense que si le Titan, si l'Armada gagne ce soir, ça va se rendre en 7. Ben, ça, si le Titan gagne ce soir, tu penses pas à le Titan, l'Armada, c'est-à-dire. Tu penses que ça pourrait arriver aussi, là, ouais. Dire, mais c'est certain que le match de ce soir, c'est vraiment le match clé. Et du côté du Titan de Caddy Batters, là, ils voudront certainement pas céder le pas à l'Armada ce soir, donc pas prendre de chance. Et on sait qu'ils ont pris ils ont souvent remporté des matchs sur la route en série éliminatoire, donc c'est pas un obstacle pour eux. Là. OK. Et ils vont se reparler la semaine prochaine? Il n'y a pas de problème, Danny. Fait que c'est la chronique de la Ligue de hockey Jean-Marie du Québec avec Yves Bauduc.